Écoutez, d'abord, merci de votre invitation à cette rencontre. Donc, moi, je ne serai pas très très long parce que je pense qu'il est préférable ensuite qu'on puisse échanger et que vous puissiez éventuellement donc, faire part de vos réflexions et éventuellement poser des questions. Je voudrais peut-être revenir comme la question que posait Mathilde il y a un instant. Et l'aborder peut-être à travers, en effet, les évolutions de la gouvernance de la fonction publique en général. D'abord, rappeler simplement que, en effet, Mathilde l'a dit, ce sont les lois de 83, 80, enfin 84 surtout, 85 qui ont donc créé finalement la fonction publique territoriale et à travers ça, donc donné un cadre global et général à la fonction publique. Mais s'agissant en effet de la fonction publique territoriale, c'était une création qui était, avec le recul que nous avons aujourd'hui, qui a été de 40 ans, qui est une création extrêmement, enfin, très intéressante, parce que, elle devait répondre à l'idée d'un équilibre et préserver deux principes qui pouvaient paraître un peu contradictoires, un peu opposés. D'abord, la libre administration, la liberté de nommer par chacun des exécutifs territoriaux. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup aussi qui ont très très peu de postes, mais il y a quand même beaucoup d'exécutifs territoriaux, on va dire à peu près 40 000 à peu près, qui ont même avec des emplois à temps partiel, mais en tout cas. Donc c'est un défi, hein. Donc préserver cette liberté de nomination et par ailleurs permettre aux agents et aux fonctionnaires territoriaux de mener une carrière dans un cadre global, de pouvoir donc changer d'employeur en gardant donc l'ensemble des acquis statutaires. Donc c'est une construction. Enfin, on aurait pu penser que bon, ça allait clasher et finalement. Alors, il y a eu des évolutions, des réformes, etc. Et finalement, ça a tenu à peu près. Cet équilibre a tenu à peu près. Et il a tenu parce que a été mis en place plusieurs structures qui ont permis que ça tienne. D'abord, les centres de gestion au niveau départemental. Le CNFPT également, qui est un élément d'unification de la fonction publique territoriale sur l'ensemble du territoire et de mutualisation aussi. Bon, enfin, ça, Johan en parlera mieux que moi. Et puis, bon, modestement, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui est en effet une instance créée donc par la loi de 84 et qui a donc évolué lui-même dans ses missions. Au départ, donc une instance composée de 40 membres, 20 représentants des organisations syndicales, donc désignés par les organisations syndicales elles-mêmes dans des proportions qui correspondent aux résultats des élections professionnelles, et 20 représentants des exécutifs territoriaux qui sont désignés par élection du corps des exécutifs territoriaux. C'est-à-dire que c'est une élection, ce n'est pas une nomination par des associations, c'est une élection au sein de l'ensemble. Alors il y a plusieurs collèges, hein, les maires de villes, de petites villes, de villes moyennes, enfin peu importe, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas ces 20 représentants sont ont une légitimité donc élective de leurs collègues. Au départ, et d'ailleurs dans la loi, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, comme d'ailleurs le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et le Conseil supérieur de la fonction publique d'État, donc ont à donner un avis, doivent être consultés obligatoirement sur tous les textes qui concerne la fonction publique territoriale. L'avis peut être positif, négatif, enfin favorable ou défavorable. Peu importe, le gouvernement reste ensuite libre de sa décision, mais en tout cas, la consultation est obligatoire. C'est une obligation que le Conseil d'État fait respecter de manière extrêmement stricte. Alors, il y a tout un processus, évidemment, au sein du Conseil supérieur, avec des formations spécialisées qui examinent auprès. Enfin, bon, bref, donc tout un processus qui fonctionne plutôt bien. Depuis une vingtaine d'années, le Conseil supérieur s'est ajouté, si je puis dire, une compétence en matière d'autosaisine. C'est-à-dire que le Conseil supérieur, employeur et organisation syndicale réunis, donc, peut décider de s'autosaisir d'un sujet et d'élaborer donc, des rapports sur peut-être des sujets qui peuvent être extrêmement divers, qui concernent naturellement toujours la fonction publique territoriale. Le dernier en date était un rapport sur les ASFAM et les ASMAT, qui était un rapport assez compliqué à mettre au point, mais enfin maintenant qui a été voté. Et ces rapports sont donc élaborés à la fois dans les formations spécialisées, à la fois avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux. Il y a des auditions, il y a tout ça. Et lorsque le rapport est considéré comme complet, il ne correspond jamais évidemment totalement à ce que souhaitent les uns et les autres. Mais en tout cas, c'est une forme de compromis. Il y a des propositions qui sont faites et ce rapport est présenté donc au vote de l'Assemblée plénière. Et naturellement, nous ne le présentons, ou en tout cas, je ne le présente à l'ordre du jour que lorsque j'ai une certitude assez assurée d'avoir, sinon une unanimité favorable, au moins pas d'opposition. Il peut y avoir quelques abstentions. Et donc, c'est ce qui se produit à chaque fois. Et donc, ces rapports, on en a presque une quarantaine aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années. Et ces rapports sont extrêmement intéressants parce qu'en réalité, ils constituent d'une certaine manière des accords qui ont été passés entre les employeurs et les organisations syndicales sur tel ou tel sujet. Alors ça ne couvre pas tout, ça ne répond pas à la demande de tout le monde, mais en tout cas, ce sont des points durs sur lesquels peut s'appuyer le gouvernement pour éventuellement procéder à des évolutions, à des ajustements, voilà, sur toute une série de sujets. Il ne le fait pas souvent, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je suis amené régulièrement, d'ailleurs, à aller rencontrer les ministres, lorsqu'ils ont le temps de nous recevoir, pour leur dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, puisqu'ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à se mettre sous la dent tout le temps. Ils pourraient peut-être avancer là-dessus, tant qu'on a... Voilà. C'est ce que j'ai fait récemment avec le rapport ASFAM-ASMAT, avec Madame Depé, qui était la rapporteure du rapport sur les ASFAM et les ASMAT. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant en termes de gouvernance parce que ça a permis de faire naître, en fait, une idée que, finalement, il pouvait y avoir dans la territoriale, à côté de ce qui se passe dans l'État, hein, et à côté de ce que fait l'administration d'État, et notamment la DGFP, il pouvait y avoir des accords ainsi passés entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales. Alors... Pour aller plus loin sur la gouvernance dans la fonction publique territoriale, en effet, moi je préside le Conseil supérieur depuis 2011 et quelques années après, je me suis rendu compte que même si les représentants des employeurs territoriaux au sein du Conseil supérieur avaient une certaine légitimité, finalement, les ministres, le gouvernement, enfin, considéraient que leurs interlocuteurs, c'était les associations d'élus, l'AMF, le département de France, enfin, etc. Ce qui n'est pas faux non plus. Et donc, parce que les associations d'élus ont aussi évidemment une légitimité en tant qu'employeur, en représentant des employeurs. Et donc, j'ai proposé à ces associations d'élus que nous mettions en place une forme de coordination. Coordination qui n'est pas une structure, hein, je le dis tout de suite, parce que tout à l'heure, Mathilde m'a qualifié de président. Non, il n'y a pas de président. Il ne faut pas qu'il y ait de président. je suis très modestement porte-parole, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà, de la coordination, et l'ensemble des associations, donc, finalement, a accepté, alors certaines très enthousiastes, dont un peu moi, mais enfin, bon, comme il y avait quelques-unes qui venaient, les autres sont venues aussi, et nous avons souhaité, donc, associer à ces 8 associations nationales d'élus à caractère généraliste, je vous les citer d'ailleurs, il y a l'AMF, il y a l'Association des départements de France, il y a Région de France, et puis du côté du bloc local, à côté de l'AMF, il y a France Urbaine, il y a Ville de France, qui représente les villes moyennes, il y a l'Association des petites villes de France, il y a les maires ruraux, l'Association des maires ruraux, et il y a Intercommunalité de France. Tout ça, ça fait 8 associations. Et nous avons donc associé à la coordination le CNFPT et la Fédération nationale des centres de gestion, qui est une association qui rassemble donc l'ensemble des centres de gestion. Et naturellement, le collège employeur du Conseil supérieur. Donc cette coordination des employeurs territoriaux s'est mise en place. En fait, elle n'existe qu'en se réunissant et en s'exprimant de manière commune. Et Tous les textes et les communiqués, les prises de position de la coordination sont toujours co-signés par l'ensemble des responsables de ces des 11 composantes de la coordination. Alors, cette coordination, elle a fonctionné, elle continue de fonctionner. Pourquoi ? Bah, d'abord, elle a été reconnue comme un interlocuteur par les ministres. Et ça a commencé avec Olivier Dussopt. Puis ensuite, ça a continué avec tous les ministres successifs. Ça, c'est évidemment important. Elle a aussi été reconnue comme interlocuteur par la presse spécialisée. C'est aussi important. Évidemment, par les associations d'élus, puisqu'ils en font partie. Et également comme interlocuteur par les organisations syndicales. Ce n'était pas forcément évident au départ, mais ça s'est fait. Et nous avons donc marqué un point extrêmement important, qui était une évolution, à mon sens, très importante, qui a été donc la signature de ce fameux accord sur la protection sociale complémentaire qui a eu lieu en juillet 2023. Et en juillet 2023, donc, toutes les OS, donc membres du Conseil supérieur et les membres de la coordination des employeurs territoriaux ont signé donc cet accord qui allait plus loin en termes de prise en charge par l'employeur de la prévoyance, c'était uniquement sur la prévoyance, qui allait plus loin que le texte qui avait été élaboré par le gouvernement. Il faut savoir que, enfin, vous le savez, hein, sur la protection sociale complémentaire, on a fait un grand chemin, hein, puisque avant 2011, on n'avait même pas la possibilité de participer. Après 2011, les collectivités ont eu la possibilité de participer, les employeurs, à la prise en charge de la prévoyance et de la mutuelle. Et le texte le rend maintenant obligatoire et l'accord élève le niveau donc, de participation. Je résume. Donc c'était une démarche extrêmement intéressante parce que c'était à peu près la première fois qu'il y avait comme ça un accord qui était officiellement signé sans que finalement l'administration d'État n'intervienne. Et donc c'est une marque, me semble-t-il, intéressante et qui doit donc peut-être éclairer l'avenir, une marque intéressante d'une forme de maturité à la fois des employeurs territoriaux parce que la conscientisation d'être employeur territorial, d'être employeur pour les exécutifs locaux, elle n'est pas évidente. Ça augmente, ça progresse, mais enfin, ce n'est pas encore complètement acquis. Hein. Et puis également, de la part des organisations syndicales de la fonction publique territoriale, bah, qui se reconnaissent ainsi en tant que telles. Hein, voilà, et pas une branche simplement de leur composante fonctionnaire, quoi. Ouais, bon, enfin, donc c'est intéressant. Alors, le petit caillou dans la chaussure de tout ça, c'est que cet accord qui doit, pour lequel, quand vous avez dans le privé un accord comme ça, qui est pris avec tout le monde, et ben, il est étendu automatiquement par un simple arrêté du ministère du Travail. Et toutes les entreprises doivent l'appliquer. Voilà. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, il faut, pour imposer l'application de l'accord à l'ensemble des employeurs territoriaux, il faut la loi. Parce que les collectivités locales s'administrent librement dans le cadre de la loi, hein, article 72 de la Constitution. Donc, par conséquent, il n'y a que trois articles de loi, ça. Il y a très peu de choses. Mais il faut la loi. Et alors, donc, ça a été le combat des deux dernières années, essayer de faire en sorte que un bout de loi, quelque part, puisse prévoir l'obligation de la mise en place de l'accord. Alors, comme ça n'avançait pas très vite, nous avons pris le taureau par les cornes, on a rédigé nous-mêmes la proposition de loi, on l'a fait déposer par des sénatrices, par une sénatrice qui a ensuite fait le travail, a obtenu un accord politique très large au Sénat, de tous les groupes politiques. Après, il faut trouver, c'est pas nous de le faire, mais enfin, il faut trouver le moment où ça va pouvoir s'inscrire dans l'ordre du jour. Et ça, j'ai découvert, je savais que c'était pas facile, mais là, j'ai découvert que c'était vraiment très, très difficile. Très difficile. Hein, on espère que cette proposition de loi pourra être examinée par le Sénat au début du mois de juillet, puisque maintenant, il semblerait qu'il y aura bien une session complémentaire. Après, il faudra voir ce que ça donne à l'Assemblée. Parce qu'un texte qui arrive au Sénat, on peut encore à peu près savoir. Mais enfin, quand ça arrive à l'Assemblée, là, on est sûr de rien. Donc on verra bien. Mais en tout cas, vous voyez, cet accord est vraiment une évolution extrêmement importante dans la gouvernance de la fonction publique territoriale. Alors après, en parallèle de ça, il y a eu la création du Conseil commun de la fonction publique. Et je voudrais en dire un mot. J'étais déjà président du Conseil supérieur quand le Conseil commun de la fonction publique a été créé. C'était Sauvadet qui était ministre. Et nous avions souhaité, nous, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, on avait souhaité unanimement d'ailleurs qu'il y ait une meilleure coordination entre les conseils supérieurs, parce que nous avions des textes qui arrivaient pour la territoriale, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir été pris au niveau de l'État. Et on trouvait que, bon, et qui avaient été pris au niveau de l'État sans aucune discussion préalable avec la territoriale, et qui étaient des textes de recopie pure et simple, avec des erreurs juridiques étaient quand même assez marquantes. Par exemple, dans la fonction publique d'État, la notion de chef de service est une notion juridique. Enfin, dans la territoriale, non, ça n'existe pas. Il y a une autorité territoriale, puis après, l'autorité territoriale organise son administration comme elle le souhaite. Il y a des gens qu'on appelle chefs de service, mais ils n'ont pas du tout la même autorité juridique, la même existence juridique, non, même pas du tout d'ailleurs, que pour l'État. Donc on retrouvait dans des textes concernant la territoriale le mot chef de service. Non, ce n'est pas possible. Donc par conséquent, on avait une forme d'agacement et on souhaitait que ceci puisse être largement amélioré. À la place de ça, il a été créé par la loi ce fameux Conseil commun de la fonction publique. À l'époque, on est ici quelques-uns sans souvenir, Françoise, à l'époque, nous avions réagi quand même, parce qu'on s'est dit, bon, alors au début, le Conseil commun de la fonction publique n'avait à s'occuper, d'abord, il ne fonctionne pas du tout comme le Conseil supérieur. Ces commissions ne sont pas organisées de la même manière. Et il n'y a pas la même préparation en fait, des textes que nous avons au Conseil supérieur, où, grâce aux relations que nous avons avec la Direction générale des collectivités locales, on fait des groupes de travail préalables, enfin, on arrive quand même à travailler beaucoup plus en amont. Ben, ce n'est pas tout à fait le cas pour le Conseil commun. Au début, le Conseil commun ne devait s'occuper que des textes qui étaient communs aux trois versants. Puis après, on a dit, bon, ben, pour finir, on va s'occuper aussi des textes qui sont communs à deux versants. Puis à la fin, on a même dit, bon, ben, on peut s'occuper aussi de tout, finalement, sauf si les autres ne sont pas d'accord. Alors nous, évidemment, on a dit, ben, nous, on n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Si ça concerne que la territoriale, c'est nous qui allons nous en occuper. Faut vous dire aussi que les trois conseils supérieurs ont dit, bon, ben, voilà, c'est parallèle. Mais non, c'est pas parallèle, faut dire clairement. Le Conseil supérieur de la fonction publique d'État, il est présidé par le ministre, qui préside aussi le Conseil commun de la fonction publique. Donc, voilà, c'est pas... Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, il est présidé par un conseiller d'État nommé. Alors, il y a les employeurs avec la Fédération hospitalière de France et les OS, mais enfin, c'est un conseiller d'État, bon, voilà. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il est présidé par un élu. Ça, c'est obligatoire, c'est un élu. Donc, évidemment, nous n'avons pas tout à fait la même façon de faire. Donc, nous, on aime bien, comment dirais-je, un peu maîtriser les choses, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup... Je crois que c'est d'ailleurs unanime au sein du Conseil supérieur de la territoriale. Donc nous, on souhaite et nous souhaitons évidemment garder les compétences d'examen lorsque la fonction publique territoriale est concernée. Et même au-delà, lorsque les trois versants de la fonction publique sont concernés, nous revendiquons aussi le fait de pouvoir, pour avis simplement, mais de pouvoir transmettre éventuellement enfin, notre analyse, nos souhaits, etc., au Conseil commun de la fonction publique. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On y arrive quand même parce qu'on siège aussi au Conseil commun de la fonction publique. Mais enfin, je trouve que la gouvernance s'est complexifiée avec cette affaire de Conseil commun de la fonction publique. D'ailleurs, on est à plus de 10 ans aujourd'hui, hein, du Conseil commun de la fonction publique. Ça vaudrait d'ailleurs le coup d'en faire une petite évaluation, hein, de faire une petite évaluation, de faire un travail de recherche là-dessus, d'ailleurs, hein, Madame Le Mercier. Hein. Ouais. Donc, un petit boulot. Bah, si vous avez des Hein. financements pour les doctorants, on va en trouver. Voilà. Le conseil sup, il a des sous, le conseil sup. Le conseil sup, il a des sous du CNFPT. Ah, d'accord. Ce que j'ai oublié de vous dire, parce qu'il est à côté, je suis obligé de le dire, sinon je l'aurais pas dit. Vas-y, parce que le conseil sup n'a pas de budget. Hein. C'est une instance, mais c'est pas un organisme. Hein. Il n'y a pas de budget. Et donc, la loi avait prévu ça. La loi, elle dit, les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale seront attribués par le CNFPT. Donc, c'est moi qui vais venir voir. Qui a du budget. Qui a du budget. Voilà. Enfin, il va dire qu'il y en a pas assez, mais c'est pas grave. C'est normal. Et donc, la petite équipe du Conseil supérieur, enfin, c'est une petite équipe, hein, c'est 7-8 personnes, et effectivement, ce sont des agents du CNFPT qui sont détachés au Conseil supérieur. Mais bon... Je dois dire que ça se passe de la meilleure des façons avec le CNFPT. On a beaucoup d'ailleurs d'autres occasions de travail, puisque le CNFPT dispose aussi de très nombreuses données qui sont utilisées dans le cadre notamment des rapports en autosaisine. Voilà. Et puis que le président du CNFPT fait partie aussi du Conseil supérieur. Et que le président du Conseil supérieur est aussi au conseil d'administration du CNFPT. C'est bien comme ça. Voilà. Donc voilà. Alors aujourd'hui, si vous voulez, cette gouvernance, on en parle. Peut-être qu'on peut penser que c'est pas important, mais en fait c'est important parce que derrière ça dessine aussi la façon dont nous pourrons répondre à des enjeux qui sont extrêmement importants. J'en dis un mot pour conclure. Ces enjeux, donc vous les connaissez. Hein, moi, mes propos ne sont pas évidemment ceux d'un chercheur. Hein. C'est propos de quelqu'un qui est un acteur opérationnel, qui constate, qui a des contacts un peu partout dans la territoriale et dans les collectivités locales, qui connaît beaucoup d'employeurs, leurs soucis, d'employeurs de grandes collectivités, de petites collectivités et leurs préoccupations. Leurs préoccupations, c'est toujours d'être capable, d'être à même de rendre le service public au niveau qu'ils le souhaitent à leurs habitants. C'est quelque chose d'assez simple, finalement. Et donc, ils constatent aujourd'hui que la fonction publique territoriale est en perte d'attractivité. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion avec Corinne Desforges, qui est là-bas, et Mathilde, qui est là, et Mathilde, donc, de faire un rapport sur le sujet qu'on avait remis à Madame de Montchalin, sur l'attractivité de la fonction publique territoriale, avec d'ailleurs des sujets qui sont d'ailleurs tous sur la table depuis, hein, le logement par exemple, enfin, des choses comme ça. Mais on a véritablement une préoccupation très forte sur la façon d'attirer les jeunes. Et ça, pour ça, je pense que ça rejoint aussi l'image, en fait, et le sens du service public tel que la société française le voit aujourd'hui, avec certainement une évolution sur les dernières années, enfin, ou peut-être 20 ou 30 dernières années. Hein, en fait, depuis, finalement, qu'on parle beaucoup de crise financière ou des problèmes de finances publiques, eh bien, naturellement, l'image du service public, évidemment, a été questionnée, enfin, est questionnée. Ça relève aussi de choix politiques et sociaux. Hein. Ce sont des choix qui ont été faits à la Libération. Hein. C'est un modèle qui est le nôtre. Est-ce qu'on veut le remettre en question ou pas? Mais on ne pose jamais la question comme ça. On pose la question simplement en disant il ne travaille pas assez, il faudrait qu'il travaille mieux. Voilà. Je suis frappé d'ailleurs du débat actuel parce qu'aujourd'hui on dit qu'il faut trouver 40 milliards. Bon, très bien, trouver 40 milliards et on pense qu'on va pouvoir trouver 40 milliards uniquement en gérant mieux. Ben non, ça c'est pas vrai. C'est pas si mal géré que ça, globalement. Faut pas... En fait, on ne pourra les trouver que si on revient sur des pans de politique publique. On peut le choisir de le faire, mais c'est un choix qui est vraiment politique. Et on ne le pose pas suffisamment comme ça. On a aussi cette question d'attractivité, elle pèse aussi sur les agents publics sont présents dans nos collectivités et qu'il faut pouvoir garder, puisqu'ils disposent de l'expérience, etc. Moi, déjà depuis longtemps, on a ce problème. Par exemple, moi, j'ai été premier vice-président d'un grand syndicat d'assainissement, le SIAP, qui est le plus gros syndicat d'assainissement, pas du monde, mais enfin au moins d'Europe, un truc énorme, où il y a beaucoup d'ingénieurs Et le SIAP a toujours voulu garder à la fois en régie directe un certain nombre d'installations et aussi faire de la délégation de services publics. Mais il voulait garder en régie directe. Pourquoi ? Parce que ça lui permettait d'avoir des ingénieurs suffisamment expérimentés qui étaient capables de discuter avec le délégataire. Si vous n'avez plus personne, vous n'êtes plus capable de discuter avec le délégataire. Et donc, il y a une dissymétrie qui se fait dans la négociation. Bon. Et c'était très difficile de garder donc, les ingénieurs à partir d'un certain niveau au sein de la collectivité, au sein de l'administration. Voilà. Et donc, garder les plus expérimentés. Voilà. Donc, on a cette question d'attractivité qui, à mon sens, est la question principale et que je relie très étroitement à la question du sens et de l'image qu'a le service public dans notre pays et de ce qu'il faut faire pour au moins que les Françaises et les Français décident clairement de ce qu'ils souhaitent. Voilà. Écoutez... Je pense que je vais en rester là sur cette première intervention. Je pense que j'ai été peut-être même un peu long. Non, ça va. Très bien. Merci à vous.